Raymond Poirier qui est avec nous pour parler technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, tu nous parles du bureau. Oui, pourquoi ben oui. pas? On travaille tous, après tout. Et justement, la grande question ces temps-ci, en fait, une des grandes questions, évidemment, il y en a des masses de grandes questions, mais l'une de celles-ci, c'est de voir l'impact du numérique, l'impact des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques sur le bureau. Donc, demain, est-ce que le bureau tel qu'on le connaît va exister encore? Est-ce que les changements amenés ne nous dispenseront-ils pas éventuellement de tous nous rendre en un même lieu dédié pour nous permettre de travailler chez nous, pour nous permettre de travailler dans des tiers-lieux ouverts et publics. Alors, il y a une conférence qui a été organisée en France avec le professeur de design Jeremy Myerson. Et question de répondre justement à cette question-là, il a mis l'histoire du bureau en perspective. C'était une présentation qu'il y avait eu du côté de la France. Et en fait, Monsieur Myerson, lui, enseigne dans une des grandes écoles d'art du monde, une des plus anciennes également, et il explore vraiment comment le numérique impacte les communautés, modifie la manière dont nous vivons et travaillons. Et je me suis dit, ben voilà, là, matière première intéressante à une réflexion. Lui commençait sa mise en perspective à l'époque du taylorisme. Donc au début, du siècle dernier, finalement. Donc, essentiellement, ce temps-là, dans le fond, à l'origine, bon, les premiers travailleurs tertiaires, les comptables, les notaires et autres, disposaient de leur espace personnel. C'était l'époque du bureau à cylindre, Soline, Mastock et le reste. Et donc, avec Taylor, lui est arrivé avec ses théories sur la division scientifique du travail. Et essentiellement, donc, il a amené la première phase de bureau qu'on associe peut-être un peu à l'univers kafkaïen ou au temps moderne de Chaplin. Donc, les individus qui sont considérés comme des unités dans des petites enclaves dans lesquelles le travail, les petits cubicules, mais l'idée terrible qu'on en a, ça vient de là. Évidemment, donc c'est surtout un élément qui touche dans l'imaginaire l'usine, le monde industriel, mais ça a aussi concerné l'ensemble des professions, donc dans l'organisation du travail, l'organisation des espaces de travail. Et essentiellement, ben, on peut, d'ailleurs, si on veut explorer un peu cet univers-là, il y a quelques, disons, œuvre qu'on peut aller explorer comme la machine à salaire minimum de Blake Fall, Conroy et autres. D'ailleurs, c'est donc devenu au fil du temps, disons, une source quand même assez intarissable de critiques sur justement la lourdeur du système et le reste. Mais évidemment, depuis ce temps-là, le bureau a évolué et à partir des années 60, ce qu'on dit, c'est que le bureau tayloriste, certes, existe encore, mais techniquement n'a plus la cote. Donc, sous la pression des syndicats, le bureau devient un espace qui se réhumanise. L'intention derrière l'amélioration est évidemment pas dénuée de certaines considérations intéressées. Donc, c'est l'époque où l'industrie perd son importance par rapport au secteur tertiaire. Donc, on cherche à attirer les ouvriers. On cherche à pas nécessairement mieux les payer, mais leur offrir un milieu de vie plus agréable. Donc, on se dit, ben, les gens vont chercher un milieu de vie agréable, vont accepter un salaire plus, entre guillemets, standard ou un peu plus faible. Ça reste quand même aussi, encore là, on reconnaît des variables qui sont encore dans nos esprits aujourd'hui. Reste qu'on regarde un peu l'endroit où on va travailler et pour un haut salaire, on n'aurait pas envie d'être dans un petit cube gris, pas de fenêtre. Non, c'est sûr. Il nous faut la fenêtre ou au moins une plante verte, quelque chose. Oui. Un peu de lumière. Oui, exactement. Et donc, à cette période-là, ce que le conférencier disait, c'était que l'aspect social prenait le pas sur les impératifs de production. Donc, on espérait donner au monde du travail un visage humain. On souhaitait créer des communautés. Donc, des bureaux paysagers, évidemment, très appréciés dans les pays du Nord d'ailleurs, dans lesquels on se concentre plus sur les interactions entre les gens que sur leur productivité proprement dite. Des exemples d'un lieu comme le Centraal de Beir de l'architecte Herman Erzberger aux Pays-Bas qui est divisé en îles de travail qui emploie chacun 16 employés et les 16 employés à l'époque étaient invités à apporter leurs plantes, à apporter leurs animaux, pourquoi pas. Donc c'est pas rien. Wow. Il y a pas mal d'exemples comme ça aussi. Évidemment cet univers, ce bureau-là a vraiment un écho dans la manière contemporaine d'envisager les espaces de travail. Donc, aujourd'hui, on parle d'un bureau en réseau, à la limite, qui reprend donc pas mal d'idées de cette période-là, mais qui le fait évoluer. Donc, avec les ordinateurs portables, avec les téléphones intelligents et le reste. Donc, on a un bureau en réseau et avec ces technologies mobiles-là, mais le bureau en réseau est pas obligé d'être au bureau. Donc, tranquillement, on arrive avec, donc, ce que lui identifiait comme la troisième grande tendance des bureaux. Donc, l'idée que, le bureau devient plus l'outil de travail que le lieu où on travaille. Oui, c'est ça. Le mot bureau a vraiment changé. Exactement. Et dans le fond, c'est vraiment une un nouveau mode de division aussi, si on peut dire, de la manière dont on pense le travail, dans la mesure où le 8-8-8 des temps derniers, dans le fond, l'idée qu'on dort 8 heures, qu'on travaille 8 heures et qu'on a 8 heures de temps libre, ben c'est plus véridique, ça n'a plus cours, c'est devenu un flou, au bout du compte, où on est toujours en temps libre, on est toujours en travail. Bon, on dort pas toujours, évidemment. mais c'est encore drôle, ça dépend. Mais il y a une perméabilité qui se fait entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pas nécessairement au déficit de la vie professionnelle, malheureusement ou heureusement, selon votre perspective, évidemment, là-dedans. Parce que c'est tellement facile, juste répondre à un courriel, ça se fait vite, vite. Exactement. Ouais. Et dans le fond, pour les bureaux, ils sont encore nécessaires aujourd'hui, ils gardent certains aspects de la période social-démocrate, ils tiennent en compte aussi les nouveaux comportements. Donc, on est passé d'une économie de la production à une économie de la croissance. Et d'ailleurs, Myerson divisait, je vais lire un petit extrait de son livre « The Power of the Network ». Donc, il divise en quatre grandes catégories cette nouvelle forme de travail. Donc, essentiellement, ce qu'il dit, j'ouvre les guillemets, c'est que il y a l'académie, en fait, qui est un regroupement collégial d'employés se formant à une discipline ou cherchant à acquérir des connaissances communes. Donc, l'espace, le bureau, devient un espace d'apprentissage. Ça, c'est son premier exemple. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle la guilde. La guilde, donc, qui s'inspire du Moyen-Âge, c'est un site où un groupe de gens s'adonne à une même tâche. Donc, essentiellement, des ateliers, des choses comme ça. Donc, des gens qui travaillent un même métier et qui partagent une expertise, qui partagent un regard, qui partagent une expérience. Ensuite, on a l'agora. Donc, l'agora, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Donc, c'est des lieux de coworking, télétravail et autres. Donc, on va pas au bureau. On peut aller, par contre, au centre-ville travailler. Donc, à Québec, il y avait, je pense, abri.co. Il y a le hub qui est ouvert ou qui va ouvrir. Donc, des espaces comme ça, lui, il dit que c'est un peu la catégorie de l'agora. Donc, des bureaux ouverts sur le monde où, finalement, on travaille avec des gens qui n'ont pas le même emploi, pas nécessairement le même employeur non plus, au bout du compte, mais avec qui on peut partager. Et enfin, le dernier qu'il mentionnait, c'est la loge. La loge qui, elle, abolit la distance entre vie privée et vie professionnelle. Donc, c'est le bureau distant, c'est l'aire de travail intégré à la maison. Donc, c'est le travailleur autonome qui a son bureau à côté de son lit ou dans une pièce adjacente. Oui. Et qui a simplement changé de lieu. Donc, lui, ben finalement, oui, il est dans son lieu de travail, il est aussi dans son lieu de vie. Donc, il y a une hybridation complète, si on peut dire, qui se fait, selon Myerson, entre les deux. Et donc... À travers ça, lui signale qu'on peut avoir l'impression, avec des nouveaux espaces comme ça, qu'on a plus de liberté. On peut travailler, mais on peut faire d'autres choses, on peut créer, on n'a plus besoin de superviseur pour vérifier si on fait bien notre travail. Mais il dit, reste que dans le contexte d'un bureau connecté, nos traces sont plus perceptibles que jamais. Dans la mesure où, si je surfe sur mon ordinateur au travail, les sites que je vais visiter ben, sont répertoriés. Et si éventuellement il y a quelconque réflexion, questionnement par rapport à mes aptitudes ou mon expertise ou, disons, la validité de mon travail, eh ben, on peut aller voir la trace numérique. On peut voir le temps que j'ai passé sur Facebook, on peut voir le temps que j'ai passé à surfer, quel site j'ai été visiter, etc., etc. Et évidemment, après ça, ça amène à des principes comme du vol de temps ou autres éléments. Donc, il y a des préoccupations de ce côté-là. Il y a une surveillance accrue qui peut être faite, mais moins visible. Et parallèlement, mais c'est sûr qu'il y a aussi des modifications au niveau architectural. Donc, de quelle manière on peut favoriser la productivité, la créativité? Est-ce qu'il faut créer des environnements chaotiques ou autres? Ça, Myerson disait que rien n'était décidé sur l'organisation des espaces. Donc, il y avait quand même plusieurs théories qui étaient concurrentes ou qui proposaient d'autres modes d'organisation des lieux. Oui, comme l'air ouverte, hein? Il paraît que c'est bon, des fois c'est pas bon, ça dépend, on sait pas. Là, c'est... Les bureaux, ouais. Mais, au bout du compte, en fait, c'est peut-être aussi une question de personnalité. Évidemment, on peut toujours se poser la question. Mm-hmm. Évidemment, après ça, l'Internet, est-ce que les interactions s'adaptent aussi bien au monde physique d'un bureau paysager? La ludification du lieu de travail a des limites aussi. En fait, Myerson disait dans sa conférence, les employés de Google à Zurich ne veulent pas toujours descendre un toboggan pour aller chercher un café. À un moment donné, on trouve ça cute au début, mais bon, ça devient... À un moment donné, on veut juste un café, là. Exactement. Mais en fait, c'est que tout truc innovant ou toute nouveauté surprenante devient routine à la longue, ouais. Au bout du compte. En fait, si on a un escalier qui fait de la musique, ben oui, on peut être surpris d'un premier temps, mais à un moment donné, ça devient juste l'escalier qui fait de la musique qu'il faut monter à chaque jour. C'est ça, mais le matin où on est de mauvaise humeur, la musique, là, ça passe moins bien. Alors, que retenir de tout ça? Ben, d'un côté, on n'a pas à s'imaginer que le bureau va disparaître complètement. Donc, les lieux de travail, on en aura toujours besoin. Les particularités du monde de l'Internet ne doivent pas forcément se reproduire dans l'espace physique. Donc, c'est deux mondes qui sont, disons, parallèles, mais pas nécessairement on devrait pas nécessairement essayer de créer une hybridation, si on peut dire. Et enfin, il faut considérer les choses sur le long terme aussi. Donc, on l'a vu, s'il y a eu trois grandes périodes où il y a eu des restructurations qui ont été amorcées au niveau de l'organisation du travail, ça veut dire les choses ne se bousculent pas brutalement. Donc, les transformations dans ce type de lieu aussi important aussi dans notre organisation sociale s'intègrent à un continuum de changements qui, eux, nous amènent à des révolutions, à des changements quand même assez important. Alors, c'est des éléments à garder en tête, évidemment. Mais à ça, faut toujours aussi voir au niveau des statistiques. Je me suis dit en parallèle, farfouillons un peu pour trouver des chiffres. Donc, une enquête menée en France par une entreprise qui s'appelle Chronos il y a quelques années, 2013 à peu près, révélait que 37% du temps de travail n'était déjà plus localisé au siège social. Que 36% des gens travaillaient déjà à leur domicile au moins une fois par semaine. 17% le faisaient dans les transports, donc pendant leur temps de déplacement. Des travailleurs qui seraient de plus en plus hyper agiles selon cette étude-là, qui inventent des usages du travail de demain. Ce qu'ils cherchent donc essentiellement, ce serait un travail plus souple, moins dissocié du reste de la vie, qui s'accorde au rythme de chacun, quitte justement à rendre plus floue la frontière entre vie professionnelle et privée, quitte à fonctionner sur des horaires élargis. Mais surtout avec la génération Y qui va prendre de plus en plus de place sur le marché du travail. On sait que la flexibilité, c'est vraiment très important pour cette génération-là. Donc, on peut s'attendre à des, peut-être pas des toboggans, mais des trucs un peu farfelus pour travailler en dehors du bureau traditionnel. Exactement. Ou en la contrepartie, si on peut dire, de pouvoir être rejoignable pratiquement sur toutes les heures d'éveil, c'est d'avoir plus de souplesse sur les heures de présence, si on peut dire, dans un lieu ou un poste de travail précis. Ouais, on sacrifie le bureau au détriment de notre sommeil, bien souvent. Raymond Poirier, merci pour ce retour sur le bureau. Et tu as une conférence, une activité du mois qui s'en vient cette semaine. Oui, exactement. En fait, pour ceux qui veulent explorer un peu l'univers de la ville intelligente, je sais qu'on en parle quand même assez souvent à cette chronique-ci, mais il y a de temps en temps des événements grand public, et notamment en collaboration avec la chaire publique de l'Allier. Litis vous convie donc à une conférence sur la ville intelligente, une conférence grand public gratuite. C'est mercredi qui vient. Donc, le 5 novembre à 19h à l'Amphithéâtre Hydro-Québec au pavillon Alphonse Desjardins. Et l'idée derrière la conférence, c'est d'explorer les incidences que peut avoir le concept de la ville intelligente sur la question du développement durable, sur la question de l'environnement. Donc, les conférenciers vont définir ce qu'est la ville intelligente et après ça, exposer des applications donc au niveau environnemental, technologie verte, transport et aussi quant à la participation citoyenne, entre autres éléments. Donc, il y a deux chercheurs de l'Université Laval qui vont y être, Sylvie Daniel et Celle Melouli, un expert d'IBM, Jean-François Barsoum, et aussi la présidente du comité de réflexion sur les villes intelligentes de l'Union des municipalités du Québec, Vicky Meham, qui est également mairesse de Magog. Alors, mercredi qui vient, 19h à l'Amphithéâtre Hydro-Québec. J'imagine qu'on retrouve l'information sur le site de l'ITIS, comme les chroniques qu'on fait ensemble à tous les lundis. Oui, itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup. Je t'invite à prendre le toboggan jusqu'à la sortie du studio, évidemment, le fameux toboggan de CKRL.